toujours jamais. Dans l'ombre douce d'un souvenir, un instant figé, un sourire. La lumière joue, douce et claire, sur la photo, un moment sincère. Toujours jamais, les souvenirs gravés, un éclat de vie à jamais figé. On s'en lassera toujours, on s'en lassera jamais, les histoires que l'on chérit tant. Les couleurs fanées, le temps qui passe, les visages changent, mais rien ne s'efface. Les émotions capturées, si vraies, sur la photo, elles restent figées. Toujours jamais, les souvenirs gravés, un éclat de vie à jamais figé. On s'en lassera toujours, on s'en lassera jamais, les histoires que l'on chérit tant. Des rires, des larmes, des moments doux, et chaque cliché un trésor fou. Les souvenirs se mêlent, se fondent sur la photo, un monde profond. Jamais les souvenirs gravés, un éclat de vie à jamais figé. On s'en lassera toujours, on s'en lassera jamais, les histoires que l'on chérit tant. Les années passent, les souvenirs restent. Chaque photo, une vie manifeste, des moments partagés, des liens tissés sur la photo, et tout est gravé. Tout est gravé. Jamais les souvenirs gravés, un éclat de vie à jamais figé. On s'en lassera toujours, on s'en lassera jamais. Les histoires que l'on chérit tant, les visages aimés, les lieux chéris. Chaque cliché, un instant béni. Les souvenirs se mêlent, se fondent sur la photo, un monde profond. Toujours jamais les souvenirs gravés. Un éclat de vie à jamais figé. On s'en lassera toujours, on s'en lassera jamais, les histoires que l'on chérit tant. Et quand le temps s'efface, efface les traces, la photo reste, rien ne s'efface, la mémoire se fige dans un instant présent. On s'en lassera toujours, on s'en lassera jamais, sur la photo, tout est sans trêve. Toujours jamais, les souvenirs gravés, un éclat de vie à jamais figé. On s'en lassera toujours, on s'en lassera jamais, des histoires que l'on chérit tant. Ah!